Chapitre 4. Elle en eut la confirmation quelques jours plus tard, le soir de la réception où elle avait dû promettre de paraître. Adélaïde vint jeter un coup d'œil sur sa toilette et, avec un hochement de tête satisfait, déclara « Vous êtes très bien, ma petite fille, très très bien. Votre pauvre maman, qui avait tant de goût et s'habillait si parfaitement, n'aurait, je crois, rien à critiquer. » Élisabeth passa une main nerveuse sur les cheveux qui bouclaient autour de son front. D'un mouvement vif, elle se tourna vers la vieille demoiselle qui la considérait avec complaisance. « Adélie, maman était une femme charmante, n'est-ce pas ?»« Tout à fait charmante, une beauté blonde, discrète mais sans fadeur, un esprit délicat, une élégance très fine. Oh oui, délicieuse, ma Daphné !» « Mon père et elle s'aimaient beaucoup ?»« Certes, oui. Jusqu'à ce que parut Judith ?» La physionomie d'Adélaïde se troubla. « Je ne sais, je... »« Si, vous savez, Adélie !» Élisabeth posait une main sur son épaule. Elle répéta d'une voix qui frémissait. « Vous le savez, maman a été malheureuse à cause de cette femme. »« Eh bien, oui !» Elle a beaucoup souffert, je le crois, mais elle n'était pas d'une nature à se confier facilement, même à moi, dont elle connaissait pourtant tout le dévouement. Elle portait sa peine avec le courage d'une âme fière. C'était une très grande peine, certainement, car elle aimait tant son mari, elle avait une âme si sensible. Mais comment lutter avec une femme habile, terriblement séduisante, comme cette Madame de Combron ? Élisabeth laissa retomber sa main, prit sur un siège son petit sac de satin perlé, une écharpe de dentelle blanche qu'elle jeta sur ses épaules. Puis elle se pencha pour mettre un baiser sur le front de la vieille demoiselle. « Bonsoir, Adélie. J'espère ne pas rentrer trop tard. En tout cas, dormez tranquillement, ne m'attendez pas. » Adélaïde jeta un coup d'œil inquiet sur la physionomie un peu crispée, sur les yeux où s'allumait une lueur de douloureuse colère. « Ne vous tourmentez pas trop de cela, ma chérie. Ce fut une grande épreuve pour votre pauvre maman, mais Dieu lui en a donné la récompense et elle désapprouverait que vous conserviez du ressentiment à l'égard de ceux qui l'ont fait souffrir. Je suis encore trop imparfaite pour cela, ma bonne Adélie. » Sur ces mots, Élisabeth quitta la pièce. Elle descendit l'escalier de la tour et s'arrêta dans l'armurerie. Catherine avait convenu avec elle de venir la retrouver là, ainsi que Willibald, afin qu'elle se présentât avec eux parmi cette société où elle ne connaissait personne. Le frère et la sœur apparurent presque aussitôt. Dans la pénombre de cette pièce mal éclairée, ils se serrèrent la main, échangèrent quelques mots. Puis, par la galerie, tous trois gagnèrent le vestibule du rez-de-chaussée, transformé en vestiaire. Les jeunes filles abandonnèrent là leurs écharpes. Dans la vive lumière des lampadaires, Catherine, vêtue de rose, apparut fraîche, vivante et rieuse à son ordinaire, quoiqu'elle attendît peu d'agrément de cette soirée, à laquelle il lui avait paru difficile de ne pas faire au moins une apparition. Elle se tourna vers Élisabeth et considéra la souple silhouette vêtue de crêpe blanc, le visage un peu pâle ce soir, les yeux dorés comme la feuille d'automne qu'une ombre semblait cerner. « Oh, vous êtes exquise, amie. Cette toilette d'une simplicité raffinée vous sied admirablement, n'est-ce pas, Willibald ?» En effet, cette voix brève, indifférente, ce regard qui l'effleurait à peine et se détournait aussitôt, le cœur d'Élisabeth s'arrêta un instant sous l'afflux d'une soudaine angoisse. D'autres invités entraient. Les jeunes filles et le comte Rudengorst s'en allèrent vers les salons. En présence de Judith, Élisabeth dut se raidir pour ne pas reculer. Souriante, affable, ne paraissant pas voir la subite rétractation de sa belle-fille, Madame de Ruden la présentait à ses hôtes. En dépit de la froideur dont elle voulait se faire un masque ce soir, Élisabeth fut aussitôt très remarquée. tout particulièrement un homme d'une quarantaine d'années, de belle prestance et de mine intelligente, se montrait empressé près d'elle. C'était le peintre autrichien Franz Hinsler, dont la vogue était grande dans toute l'Europe. Après avoir dansé avec lui, elle écouta, non sans intérêt, ses dissertations sur les maîtres de l'école hollandaise dont il était grand admirateur. Il s'était assis dans la bibliothèque où les danseurs n'avaient pas accès. En levant les yeux, Elisabeth aperçut tout à coup Willibald debout dans une embrasure de porte. Les bras croisés, droit et mince, dans le smoking porté par lui avec une élégance aisée, il regardait... Quoi ? Au fait, il avait l'air de regarder le haut de la bibliothèque devant laquelle étaient assis Elisabeth et Hinsler. Il se détourna tout à coup brusquement. Agathe était derrière lui, tout en blanc vaporeux, plus colombe que jamais. Sa voix roucoulante parvint jusqu'aux oreilles d'Elisabeth. « Vous ne dansez pas, cher ami ?»« Non, la danse ne me dit plus rien. Du reste, comme personne n'a besoin de moi ici, je ne vais pas m'y éterniser. Je laisserai la voiture pour Catherine et rentrerai à pied. » Il s'écarta de la porte et s'éloigna, suivi d'Agathe. Elisabeth n'écoutait plus Hinsler que d'une oreille distraite. Au bout d'un instant, elle se leva en disant qu'elle allait retrouver Mademoiselle de Groussel. L'Autrichien l'accompagna jusqu'au salon où Catherine, au milieu d'un groupe de jeunesse, causait gaiement. Elle s'assit près d'elle et demanda « Willibald est parti ?»« Il m'a dit qu'il ne s'attarderait pas et retournerait à pied chez nous. » Puisqu'il ne veut pas danser, cette soirée ne représente pour lui qu'une corvée. Il a fait une apparition, c'est tout ce qu'on peut lui demander. Évidemment. En elle-même, Elisabeth ajouta, et j'ai bien envie de l'imiter, puisque je ne suis pas non plus ici pour mon plaisir. Elle se sentait les tempes serrées, le cœur étreint par un malaise. Là-bas, à l'autre extrémité du salon, Judith était entourée d'une petite cour. Sa robe de soie orangée lamée d'argent, l'admirable collier de topaze, depuis 2 siècles dans la maison des Ruden, qui entourait son cou d'un galbe parfait, les 3 bandeaux de diamants glissés entre les ondulations de ses cheveux noirs, composaient un ensemble étudié savamment pour faire valoir une beauté que la quarantaine, moins que jamais ce soir, ne semblait pas avoir touchée. Une tempête s'éleva dans l'âme d'Elisabeth. Cette femme qui avait pris la place de sa mère, qui avait pris à Daphné son mari, c'était trop insoutenable de la voir là, triomphante, admirée, heureuse. Un danseur venait inviter Catherine. Un autre s'inclinait devant Elisabeth. Celle-ci refusa en disant qu'elle se sentait très fatiguée. Elle se leva, passant dans le petit salon et sortit par une des portes vitrées qui donnait sur la terrasse. Des invités se promenaient dans le parterre ou formaient des groupes où l'on causait en fumant. Quelques lampes au vert de couleur répandaient une discrète lumière. Agathe, silhouette claire au bord de la terrasse, riait doucement au milieu d'une réunion de jeunes femmes jacassantes. Elisabeth se glissa dans la pénombre, le long de la charmille qui bordait le parterre du côté du potager, et descendit lentement les degrés menant au parterre inférieur. Elle sentait en tout son être une lassitude inaccoutumée. Fallait-il l'attribuer à cette pesante chaleur d'orage qui, ce soir, ne laissait place à aucun souffle ? Ne ferait-elle pas mieux de regagner dès maintenant la tour, au lieu de chercher un peu d'air dans cette atmosphère moite qui augmentait encore son malaise ? Elle avançait d'un pas hésitant le long du petit miroir d'eau où se reflétait la lumière voilée d'une lampe au vert couleur de safran. Une autre, à l'intérieur du temple de l'amour, éclairait légèrement le jeune enfant et son carquois chargé de flèches. Elisabeth contourna la petite colonnade de marbre rose et s'avança vers la balustrade qui terminait là le parterre. Mais quelqu'un s'y trouvait déjà. Un homme se tenait debout, les bras croisés, face au mont, disparu à 7 heures dans la nuit. Il se détourna, eut une légère exclamation en apercevant Elisabeth qui s'était immobilisée. « Ah, c'est vous, Willibald !» Sa voix avait une intonation d'allégresse. Vous en avez assez, comme moi ? Elle s'approchait de lui, un sourire détendant ses lèvres, un instant auparavant crispé par sa secrète angoisse. Ah, tout à fait assez. Je l'ai dit à Agathe et j'ai filé à l'anglaise. Je comptais descendre par le sentier, mais il m'a pris l'idée de venir jusqu'ici. Quel étrange accent avait sa voix, et ce ton d'insouciance affectée. Élisabeth cessa de sourire. Un frisson la parcourut. Comme un coup d'aile, une inquiétude mystérieuse venait de passer sur son âme. Je venais chercher un peu d'air, mais je crois que c'est bien inutile ce soir. Le plus raisonnable sera d'aller me coucher. Certainement, je vais le faire aussi. Bonsoir, Élisabeth. Elle lui tendit sa main toute brûlante, moins encore peut-être que celle qui la serra d'une brusque étreinte. Bonsoir, vous direz demain à Catherine que j'ai dû me retirer, me sentant souffrante. Oui, mais qu'avez-vous, Élisabeth? Votre voix n'est plus la même. Il penchait son visage pour tâcher d'apercevoir le sien dans la pénombre. Vous souffrez, dites-vous? J'ai éprouvé une émotion très pénible en entendant confirmer par Adélie ce que je soupçonnais déjà. Vous soupçonniez quoi? Ce que ma mère a souffert par la faute de mon père et de Judith. Il dit à mi-voix, avec une douceur compatissante, « Pauvre Élisabeth, vous le saviez, Willibald ? » ?»« Oui, ma mère m'a parlé de tout ce passé. Elle aimait beaucoup votre mère et, tout d'abord, tint quelque rigueur à la nouvelle comtesse de Ruden. Mais elle se laissa prendre ensuite par cette habile, astucieuse femme et j'ai été assez fou pour faire comme elle, acheva-t-il entre ses dents. J'étais la seule à y voir clair, dit pensivement Élisabeth. Cela, ni elle ni Agathe, ne me le pardonneront jamais. Oh, certes, vous avez une âme trop droite, trop pure, pour que la perfidie ne s'acharne pas contre vous. J'aimerais mieux vous savoir loin d'elle, Élisabeth. Elle leva les épaules. Que peuvent-elles me faire? D'ailleurs, elles n'ont plus que peu de temps à demeurer ici. Votre belle-mère, oui, mais Agathe a décidé de rester encore à Aigueblanche. Agathe? Quoi? Elle renoncerait au séjour à la Baule? Oui, et c'est précisément ce qui me... Il n'acheva pas sa phrase, dans son accent de l'angoisse passée. Son regard, accoutumé à cette demi-obscurité, contemplait avec une ferveur mêlée de désespoir cette blanche figure de femme si expressive, toute frémissante, ses yeux dont la chaude lumière se voilait dans la pénombre. « Élisabeth, partez !» Il y avait une supplication passionnée dans cette voix qui fit tressaillir Élisabeth. Elle protesta vivement. « Partir, moi, quitter Montparou, et à cause de cette... Agathe ?» « Certes non. Que voulez-vous qu'elle me fasse, je le répète. »« Elle peut vous nuire, Élisabeth. Elle peut... »« Quelqu'un vient, » dit Élisabeth. » Willibald se détourna vivement. Un homme contournait la colonnade, s'avançait vers les jeunes gens. Quand il fut à quelques pas d'eux, ils reconnurent M. de Ruden. « Ah, tu es là, Élisabeth ? Toi aussi, Willibald ?» Il appuyait légèrement sur ce « toi aussi ». Oui, je suis en conversation avec ma cousine. Ce n'est pas défendu, je suppose, dit Willibald sur un ton de défirailleur. Non, mon cher, mais qu'avez-vous donc de si confidentiel à vous dire pour choisir cette solitude ? Rien de confidentiel du tout. Nous avons eu tous deux la même idée, chacun de notre côté. Venir nous recueillir un instant ici, en sortant de ces salons où nous ne trouvions qu'ennui. Je vois d'ailleurs que vous avez éprouvé un semblable désir, mon cousin. » Sur ces mots, prononcés du même ton d'ironie mordante, Willibald se tourna vers sa cousine. « Bonsoir, Élisabeth, » dit-il avec une subite inflexion de douceur. Il salua froidement M. de Ruden et s'éloigna d'un pas ferme. « Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas comme Catherine ? » demanda le comte. Willibald vient de vous le dire. Avant de rentrer chez moi, je suis venu jusqu'ici dans l'espoir d'y trouver un air moins étouffant. Et tu y as trouvé Willibald ? Quelque chose de singulier dans l'accent de son père surprit Élisabeth. Mais oui, je le croyais reparti pour Aigueblanche. De quoi avez-vous parlé ? Pourquoi lui posait-il cette question sur ce ton bizarre ? Ses nerfs, tendus depuis son entretien avec Adélaïde, firent remonter en elle une soudaine irritation. « Je pense que cela ne vous intéressera guère de le savoir. Nous parlions de ma mère, » dit-elle presque durement. « De ta mère ?» Élisabeth ne pouvait voir distinctement la physionomie de son père, mais elle perçut l'altération de sa voix. « Oui, vous en paraissez surpris. Cependant, je la retrouve partout ici, dans ce parc, dans ces parterres où elle a si souvent passé, dans ces salons où je me la figure, telle qu'elle est dans son portrait au pastel, recevant ses hôtes avec cette grâce parfaite dont me parlait un jour Madame de Groussel. Ma chère maman, ma pauvre maman, que j'aurais peut-être su consoler si Dieu n'avait jugé meilleur pour elle de l'enlever plus tôt à ce monde de misère. » Élisabeth parlait avec une ardeur concentrée, un peu âpre. Elle entendait près d'elle la respiration précipitée de son père. Après un court silence, M. de Rudaine murmura « Que dis-tu ? La consoler ? De quoi ?» Elle eut un rire bas, douloureux. « Me demander cela, à moi ? Oh, épargnez-vous cette feinte ! Bonsoir, mon père !» Elle s'écarta, se détourna brusquement. Sa forme blanche contourna la colonnade, disparut derrière le petit temple. M. de Rudaine resta un moment immobile. Les sons de jazz arrivaient jusqu'à lui. Là-bas, on dansait, on s'amusait, et lui, dans la pesante atmosphère d'orage, se sentait alourdi, abattu en tout son être moral et physique. Il fit quelques pas, appuya ses mains contre la balustrade et demeura là, face à la nuit qui enveloppait les monts et la vallée, cherchant un peu d'air pour sa poitrine oppressée. Il revoyait en pensée la blonde Daphné qu'il avait tant aimée, Daphné que venait d'évoquer sa fille, cette Élisabeth ardente et fière, prompte à la riposte, à la défense, et qui se faisait accusatrice, cette Élisabeth vers laquelle il venait tout à l'heure, pénétré du soupçon versé en son esprit par Judith et Agathe. Imagination de femme, sans doute, jalousie d'Agathe que son mari délaissait. Mais vérité peut-être aussi. Élisabeth avait tant de charme, un regard si merveilleux. Il soupira et courba les épaules en songeant. Il ne nous manquait plus que cette complication.